Micro ouvert. C'est juste une boîte de petits pois. C'est bon, les petits pois. C'est plein de vitamines, de fibres, de minéraux. Et comme ils sont bio, c'est bon pour la santé, comme pour la planète. C'est bon aussi pour faire vivre le paysan qui les a fait pousser. C'est bon pour la conserverie qui les cuisine et les met en boîte. Bon pour l'emploi et l'économie de la région. Bref, cette boîte de petits pois est une chance pour construire un monde meilleur. À une petite condition pourtant. Qu'on donne envie aux gens de la consommer. France Télévisions Publicité. Le monde change, la pub aussi. Et voilà, on se retrouve dans les bureaux de Nature et Progrès, mais du côté jambes, du côté Wallonie, quoi. Voilà, moi je connaissais déjà l'endroit, hein, j'étais déjà venue. Il y a une bibliothèque là, spécialisée un peu. Une librairie écologique. Voilà, une librairie écologique. Et en face de moi, j'ai Sylvie Laspina, qui présente un projet qui s'appelle Radi, on va développer ce projet, évidemment, on va en parler. Et d'abord, cette bibliothèque, cette librairie, oh là là, c'est quoi la différence ? Elle est entre une librairie et une bibliothèque ? Bah, la bibliothèque, on emprunte des ouvrages, la librairie, on les achète. Ah. Voilà. Donc, c'est pas emprunté. On a quelques livres ici derrière moi dans le centre de documentation. Quelques ouvrages spécialisés. Mais ici, à la librairie écologique, on a vraiment toute une série d'ouvrages. C'est spécialisé, c'est sur l'écologie, l'alimentation, les médecines douces, même l'habitat écologique. Enfin, voilà, on a différents sujets comme ça, tout ce qui tourne autour d'un mode de vie alternatif. Et là, on propose des ouvrages d'éditeurs, d'auteurs connus, Terre Vivante, etc. Oui. Elle a déjà quelques années, hein, cette librairie. Oui, effectivement. Je pense qu'elle doit avoir une vingtaine d'années maintenant. Oui. Mais je trouve que, on va pas approfondir le sujet, mais je trouve que faire prêter des livres, c'est écologique, quoi, plutôt que de les acheter, vous trouvez pas. Mais bon, j'imagine que si cette librairie existe, c'est parce qu'il y a ces raisons, que ça fait des rentrées financières et lalali et lalala, quoi. Oui, bien sûr. Donc Nature et Progrès, c'est une ASBL, donc une association sans but lucratif. Donc nous sommes actifs dans tout ce qui est sensibilisation, mais aussi lobby. Dans tout ce qui touche donc à l'alimentation, à l'agriculture biologique et à l'éco-bioconstruction. Et il est certain que oui, les bibliothèques, c'est plus écologique. En effet, on se prête les livres, etc. Il y a pas mal de bibliothèques, il y en a dans chaque commune. Ici, on propose une librairie aussi pour avoir une petite rentrée financière pour soutenir nos actions, puisqu'on a des actions, il n'y a pas que la librairie, hein, on organise aussi des ateliers, des conférences, des formations au jardinage bio. Et donc évidemment, pour que notre association puisse fonctionner, elle a, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, besoin de moyens. Et donc c'est une source d'argent, mais qui est verte, et pour nous c'est important. 40 ans que ça existe, Nature et Progrès, et il a fait des petits partout en Belgique, pas en France, hein, ça n'existe pas en France, je ne sais pas. C'est l'inverse. Donc Nature et Progrès, c'est une association française à l'origine. C'est une association qui est née dans les années 70-80, au moment où l'agriculture connaissait un véritable tournant. On a commencé à utiliser beaucoup plus de produits chimiques de synthèse, des pesticides, des engrais. On a commencé à industrialiser aussi l'agriculture et on a proposé aux agriculteurs d'arrêter de transformer eux-mêmes leur lait en beurre, en crème, etc. On leur a proposé en fait de devenir fournisseurs de matières premières pour une industrie valoriser. Quand tu dis « on », c'est qui le « on » ? Ah ben ça, c'était l'évolution de la politique agricole commune à l'époque. Voilà. Et les agriculteurs, ils ont suivi, ils ont été encouragés, même financièrement, à suivre. Alors, il y a toute une frange de la population, des producteurs et des citoyens, qui se sont dit « mais non, nous, ça ne nous convient pas, l'arrivée des pesticides qui tuent les êtres vivants autour de nous, et on suspectait déjà que ces pesticides pouvaient être cancérigènes, pouvaient provoquer des maladies ». Ils ont dit aussi, mais les agriculteurs perdent leur autonomie à fournir comme ça les industries. Et donc, on a des personnes qui se sont mises ensemble pour créer Nature et Progrès en France, pour proposer un autre modèle d'agriculture, donc l'agriculture biologique, une agriculture autonome, en polyculture élevage, etc. Et ils ont créé un label, ils ont développé des activités de promotion de ce mode d'agriculture, et c'est là-dedans hein, que la librairie a un rôle, toujours ici en Belgique. Alors ce sont des membres belges de cette association française qui, à un moment donné, se sont rencontrés et se sont dit, ben voilà, on va créer notre Nature et Progrès en Belgique. C'était il y a 40 ans. C'est vraiment la caractéristique de notre association, c'est qu'elle regroupe à la fois des producteurs bio et des consommateurs. C'est la seule association qui, dans toutes ces discussions, dans toutes ces décisions, regroupe les producteurs et les consommateurs ensemble. Dans toutes les associations qui travaillent avec, avec la nature, on va dire, c'est ça? Le principe de Nature et Progrès, c'est de relier les producteurs et les consommateurs. En tout cas, qu'il y ait du lien avec l'association, c'est ça? Oui, voilà, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que les producteurs, eh bien, ils discutent beaucoup entre eux. Hein. Il y a les syndicats agricoles qui les aident à discuter entre eux de leurs problèmes, etc. Mais il y a un lien qui s'est perdu avec les consommateurs, et notamment avec cette industrialisation de l'agriculture. Un producteur de céréales qui moissonne des grains de céréales, il n'a aucun lien avec le consommateur si à un moment donné, il ne va pas transformer ses céréales en farine. Un producteur laitier, voilà, qui trait ses vaches, le lait arrive dans le temps qu'à lait, ben, s'il ne va pas transformer son lait, il ne va pas avoir non plus de lien avec le consommateur. Et ce lien, en fait, il s'est perdu au fil des années. On a de moins en moins d'agriculteurs dans les villages. On se rend compte aussi que les agriculteurs, de plus en plus, sortent des villages. Voilà, ils vont construire leur ferme un peu à l'écart parce qu'il y a des nuisances à l'élevage. Hein, les bovins, ça fait du bruit, etc. Et donc, il y a vraiment une perte de lien que l'on déplore à Nature et Progrès et auquel on veut remédier. Donc notre label compte une soixantaine, une septantaine même maintenant, de producteurs et de transformateurs bio qui sont en circuit court, qui sont en contact direct avec les consommateurs et avec qui ils peuvent échanger sur leur mode de production. Et une septantaine en Belgique ? En Wallonie. Voilà, en Wallonie. On n'est pas présent en Flandre, nous sommes une association francophone, donc on est présent en Wallonie et à Bruxelles aussi, où nous avons un groupement de bénévoles. Donc on a différentes locales de bénévoles de Nature et Progrès qui organisent des activités un peu partout en Wallonie. Et Sylvie, c'est ça hein, Sylvie, tu es agronome? Alors pourquoi agronome en quelques mots comme ça? Enfin un petit peu, parce qu'on voilà, on a le temps de développer nos idées, de se rencontrer. Et en même temps, je vais expliquer pourquoi on se rencontre. Mais je crois que j'ai déjà un petit peu expliqué. L'idée, c'est de parler de ce projet Radi, qui est vraiment intéressant. Et après, on ne sait pas toujours où nous mène la parole. Mais l'idée, c'est aussi que votre projet Radi de défendre ou de mettre en place carrément, parce que j'ai appris aussi, hein, donc il y a une petite visioconférence que vous avez déjà fait, que tu as déjà fait avec tes collègues pour expliquer un peu c'est quoi ce projet Radi. Donc on peut aller l'écouter. Ce qui serait chouette, c'est ici maintenant de rajouter, on a le temps quoi, de développer un peu plus, mais j'ai appris quelques idées comme ça des agriculteurs, des producteurs. J'ai compris qu'il n'y avait pas assez de production bio. Voilà. Il y a une production locale aussi, peut-être pas assez non plus. Oui. Attends, après, je finis ma pensée. Attends, je finis. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, parce que souvent, on parle de bio, de local, c'est la grosse tendance, évidemment. Mais vous défendez aussi l'aspect solidaire, c'est-à-dire que ce serait bio-local, mais accessible aussi aux gens qui ont peu de moyens. Et ça, je trouvais intéressant de développer et de souligner en rouge, parce que soit on en parle, mais dans le concret, après, on l'oublie, ou soit... Enfin, voilà. Donc, tu es agronome. En quelques mots, pourquoi agronome? Pourquoi je dis ça? C'est parce que L'agronomie, j'avais entendu il y a quelques années, quand je m'intéressais un peu à ça, c'est que les agronomes, ils étaient formés vraiment à la culture intensive. C'était rare qu'on parle d'alternatives et de choses comme ça, quoi. Voilà. Et il y avait peu d'agronomes qui tenaient le coup parce que c'était vraiment... On leur mettait dans la tête des idées du système à grande échelle, quoi. Non, pas vraiment. Donc moi, j'ai fait mes études d'agronomie à l'ULB. Je pense que c'est assez pareil dans toutes les universités. Les études d'agronomie, elles m'ont attirée, voilà, parce que j'étais attirée par les sciences. J'hésitais entre la bio, la chimie, la pharmacie. Et puis, agronomie, en fait, ça me permettait d'avoir plus de possibilités de déboucher. Quand on ne sait pas trop exactement ce qu'on veut faire, qu'on est balancé entre plusieurs domaines comme ça, mais l'agronomie, c'est un peu au milieu. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'environnement. Et j'ai cheminé pendant mes études. Hein. Au début, je voulais travailler sur les aliments, plutôt la chimie des aliments. Ouh là là, quand j'y pense aujourd'hui. Et puis, j'ai été plus attirée par les cours d'écologie végétale, écologie animale, entomologie. Donc, j'ai basculé plus vers la partie agriculture, environnement. Et pour finir, j'ai terminé avec... une spécialisation en aménagement des territoires. Donc voilà, rien à voir. Mais c'est très chouette d'avoir comme ça différentes facettes qui finalement se complètent. Hein. L'aménagement du territoire, quand on s'intéresse à un projet de territoire comme le réseau RADI, hein, qui se situe dans la région dinantaise, ben voilà, c'est important aussi d'avoir ces notions-là. Alors, je ne regrette pas du tout parce que dans le cadre de mon métier, ben, je travaille à la fois sur l'agriculture et l'alimentation. C'est une valeur importante aujourd'hui. Qu'est-ce que nous mangeons? Et je crois que c'est important de se poser ces questions. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je cuisine? Qu'est-ce que j'achète? Quel modèle agricole est-ce que je soutiens? Je travaille aussi pour la biodiversité, pour l'environnement, parce que l'agriculture gère quand même une énorme partie du territoire. Et les prairies, par exemple, dans lesquelles pâturent les bovins, ben, sont riches d'une biodiversité qui est là et que les agriculteurs peuvent entretenir grâce à leurs troupeaux et puis grâce à leurs pratiques agricoles, pourvu qu'elles soient évidemment bio et respectueuses. Voilà pourquoi j'ai fait des études en agronomie. C'est vraiment des très belles études. Oui, c'est... Ouais, ta réponse est tellement tchoc-tchoc-tchoc que moi, je suis un peu perdue. Mais, ouais, donc, t'as retenu quoi pour finir de tout ça? De toutes ces études-là t'aurais envie de nous faire partager quoi de précis de ces études? Une meilleure compréhension des liens entre la nature, l'environnement et les activités humaines. C'est vraiment ça que... Mais quoi précisément? Ok, c'est pour dire il y a du lien, c'est ce que tu dis. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que... Parce que moi, je suis quand même frappée d'entendre ou de lire que les petits paysans, je ne sais plus, 80, j'invente pas. Enfin si, j'ai vu un documentaire il n'y a pas tellement longtemps qui parlait de 80% dans... Mais je ne sais plus dans quelles années avant, les paysans, c'était la majeure partie des gens. Et que petit à petit, ben, maintenant, ils ne sont plus qu'à 20%, quelque chose comme ça. Même plus. Ben oui, avant, toutes les maisons dans les villages, c'était des petites fermes. Hein. On avait 2-3 cochons l'hiver pour manger. On avait toujours une petite basse-cour. On avait 2-3 vaches et... Et quasiment chaque maison, ben voilà, travaillait à son autonomie. J'ai la chance d'habiter un petit village ardennais, un petit village qui était à l'écart de tout jusque dans les années 80 où on est venu construire l'autoroute le 25. Et quand on s'intéresse à l'histoire de ce village, on se rend compte qu'en fait, ben, il n'y avait pas forcément autant de commerce, il n'y avait pas de grande surface avant, il n'y avait pas tellement de marchands ambulants, etc. Enfin, on était au niveau des villages fort en autonomie. Et c'est marrant quand on regarde les inventaires des métiers qu'il y avait dans la population des villages. On avait le cordonnier, on avait, tous les artisans qui étaient représentés dans le village parce qu'on avait besoin de toutes les compétences, en fait. Et tout le monde s'entraidait. C'est une vision Je suis toujours un petit peu nostalgique de tout ça parce que voilà, maintenant on est dans des choses mondialisées où finalement, y a dans nos grandes surfaces beaucoup de choses qui viennent de loin, on ne sait plus comment c'est produit et donc on a perdu la main, on a perdu une autonomie, on a gagné du confort. C'est voilà, quand on vit en ville et qu'on ne doit plus veiller à son autonomie alimentaire, qu'on ne doit plus cultiver un potager, qu'on ne doit plus veiller aux animaux, qu'on élève, etc., on gagne un certain confort, mais que l'on paie. Et oui, mais on est devenu stupide, non ? Stupide, je ne sais pas. Non, je ne dirais pas stupide, mais désinformé, peut-être. Le monde part en cacahuète, quand même. Tu es d'accord avec moi ? Ça, les gens que je rencontre, en tout cas dans les micro-ouverts et dans les différents milieux, ils ne savent plus très bien comment se réapproprier leur vie. Hein. Il y a quelque chose qui échappe, quoi. Et en plus, avec le Covid, c'est la cata, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Non, moi, je suis d'un naturel positif. Sinon, on suicide tout de suite. Hein. mais je crois que moi aussi, mais soyons réalistes, lucides en même temps. Oui, réaliste, je le suis toujours. Très terre à terre. Terre à terre, pour une agronome, c'est important. Non, moi, je suis positive parce que je vois que les choses changent. Il y a 10 ans d'ici, j'aurais peut-être été moins positive. Voilà. Je vois que les choses changent. Je vois que... Il y a un élan pour le bio, pour le circuit court, pour retrouver des liens avec les producteurs. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Sur l'alimentation ou sur la société en général ? Les deux, et particulièrement sur l'alimentation qui est le domaine qui m'intéresse. Je suis positive parce que je vois apparaître des mouvements que... Ça va être un peu contradictoire ce que je vais dire. Je vois apparaître des mouvements... Que je ne soutiens pas, comme le véganisme, toutes les personnes qui sont anti-élevage, etc. Je dis que je ne les soutiens pas parce que je trouve qu'un monde sans élevage, ça n'a pas de sens, autant agronomiquement que socialement. Mais ce véganisme, il se développe pourquoi ? Il se développe parce que des personnes se posent des questions. Des personnes réalisent que dans les élevages industriels, et j'insiste sur industriels, ça se passe très mal pour les animaux. Et ça, on est tout à fait d'accord. Personnellement, je prône, et c'est la position de l'association Nature et Progrès aussi, je prône un élevage à petite taille, un élevage paysan, un élevage bio où les animaux ont accès à l'extérieur tout le temps. Ils ne sont pas enfermés dans des bâtiments les uns sur les autres. Non, ils ont accès à des espaces de plein air. Ils sont nourris en bio, avec des aliments sains, sans OGM. Et il est tout à fait possible d'élever des animaux dans de très bonnes conditions, même s'ils sont destinés, oui, à produire du lait ou à être mangés. Donc voilà, mais je me réjouis quand même du fait que y a un tas d'idées, il y a un tas de personnes qui réfléchissent à ces questions, des idées qui se bousculent. On en arrive parfois, oui, à des idées extrêmes comme voilà, véganisme, plus aucun produit animal, etc. Mais c'est le fruit d'une réflexion, tout ça. Et c'est la réflexion que je veux encourager. Et j'ai vraiment de la chance, dans le cadre de mon métier à Nature et Progrès, c'est que j'organise des débats citoyens sur l'agriculture, sur l'alimentation. Je rassemble les personnes que ces sujets intéressent, et il y en a quand même de plus en plus. Et je leur propose de rencontrer les producteurs, les transformateurs, le secteur agricole qui a besoin lui aussi de retrouver les consommateurs pour se rendre compte aussi de l'évolution du consommateur. On entend parfois des producteurs dire « oui, mais de toute façon le consommateur il veut le moins cher ». Bah non, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai pour une partie des consommateurs qui ne se sont peut-être pas encore posés tout un tas de questions sur « tiens, mais qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comment c'est fait ?» Mais il y a une frange énorme de la population qui veut plus aujourd'hui, elle veut du local. Parce que le local, c'est soutenir les agriculteurs qui sont nos voisins et qui entretiennent les paysages que l'on voit par la fenêtre tous les jours. Ils veulent du bio, parce qu'ils ont bien compris maintenant, les consommateurs, que les pesticides, c'est pas nocif que pour les pucerons. On le sait très bien. Tous ces insecticides, ces fongicides, ces herbicides même, sont nocifs pour la santé. Mais Sylvia, t'es d'accord qu'on se pose des questions avec ce bio ? Parce que ce bio qui rentre dans l'industrie, hein, avec son logo, pareil, hein, c'est pareil. C'est quoi ce bio ? On n'arrive plus à y croire, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu le bio ou bien les groupements d'achat ou bien il y a eu comme ça des envolées sur ces 40 ans Nature Progrès par exemple. Il y a des projets comme ça, on s'est dit waouh, ça c'est vraiment l'alternative. Et puis ça retombe comme maintenant le bio, j'ai entendu que tu parlais dans ta visio conférence de présentation du radis, que toi-même, dans ta présentation, tu disais, bah oui, il y a plein de gens maintenant qui se posent la question, c'est quoi ce label bio? Tu pourrais un peu répéter, parce que la question, moi, que je te pose, c'est quoi ce bio qui rentre dans l'industrie? Alors, tu sais, ces chips, ce chocolat, enfin, tous ces produits, quoi. Tu l'expliques comment, toi? Alors, je vais choquer, mais je le fais exprès. Moi, je me réjouis du développement du bio-industriel. Attention, j'ai dit que je faisais exprès de choquer par ces propos. Pourquoi? Parce que le bio-industriel, c'est pas un petit paysan bio qui devient industriel. Le bio-industriel, c'est une industrie qui utilisait des pesticides, qui utilisait, voilà, qui était très nocif pour l'environnement, qui passe en bio. Ça reste positif. Ça reste positif. Mais on est d'accord sur le fait que nos idéaux, moi mon idéal c'est pas le bio-industriel, mais c'est mieux le bio-industriel que l'industriel tout court. Voilà. Non, mais dans le bio-industriel, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de pesticides? Parce que quand on regarde un poivron avec le label bio, avec son plastique, enrobé de plastique, hein, et son label, il y a de l'absurdité là-dedans. Et puis on regarde les poivrons pas bio, ils ont la même texture, ils ont la même... Il y a quelque chose qui est bizarre, quoi. On n'arrive plus à croire qu'il n'y a vraiment pas de pesticides et que c'est produit proprement. Moi, j'arrive plus à le croire. Et il n'y a pas que moi, hein, y a aussi évidemment plein de gens. Mais oui, mais le bio, c'est contrôlé. C'est contrôlé en Europe et les produits qui viennent même dehors de l'Europe sont contrôlés aussi par nos organismes certificateurs. Mais t'es déjà allé voir, toi, personnellement, dans rentrer comme ça dans une industrie qui se dit bio? Oui, j'ai eu l'occasion de visiter des acteurs bio. Alors tous, non, certainement pas. Mais voilà, il y a des contrôles, il y a des analyses quand même aussi qui sont là pour appuyer le fait qu'il n'y a pas de résidus de pesticides. Maintenant, oui, notre idéal va vers un autre type de bio. Prenons l'exemple des tomates. Le jour où j'ai découvert les tomates de la chèvrerie du Moulin du Houet, oui, c'est une chèvrerie, mais le papa de Margot fait des tomates, il fait du maraîchage. Avant, ben voilà, je faisais mes courses en grande surface, un peu comme tout le monde, hein, peut-être au début. Et puis j'ai découvert les tomates de Bernard. Extraordinaire. Alors, je l'ai trouvé un petit peu cher, puis je me suis dit, bah, je m'en fous, c'est pas grave, je vais goûter des vraies tomates bio. Avec une tomate, on était rassasié. Pourquoi? Il n'y a pas d'eau là-dedans, il n'y a que de la chair. C'était bourratif, incroyable. Et donc, finalement, c'était pas plus cher, hein, parce que dans les tomates du commerce, même en bio, parce que voilà, j'ai envie de dire les grosses filières de tomates, ben souvent c'est un peu les mêmes variétés qu'en conventionnel. Et là, j'avais devant moi, sur les shops de Bernard, j'avais des variétés de tomates un peu particulières, bourrées de chair, bourrées de goût, presque pas d'eau, mais ce sont des tomates qui ne tiennent pas facilement les transports, etc. C'est des tomates qui vont peut-être plus vite s'abîmer. Et résultat, on ne les trouve pas en grande surface. Donc je crois que la différence, elle peut être là aussi, c'est que les variétés cultivées en bio-industriel et donc grande filière, grande surface, etc., ne sont pas les mêmes que les variétés cultivées par des maraîchers qui vont vendre en direct aux consommateurs. Et donc il y a moins de transport, c'est beaucoup plus frais aussi. Hein, il va les cueillir le matin, il va les vendre l'après-midi chez lui. Donc ça fait aussi toute la différence, vraiment. Alors, notre idéal à Nature et Progrès, mon idéal aussi, hein, parce que j'ai voulu un petit peu choquer avec le bio-industriel, notre idéal, il va plus loin que le bio. Et je pense qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui sur le bio du fait qu'il existe du bio-industriel et qu'on veut que le bio soit paysan. On veut du bio local. On veut du bio diététique. Et on a toute une série d'exigences. Il faut... Quand tu dis... On, c'est qui le on? Le consommateur de manière générale. Hein. Voilà. Je veux dire, les critiques que l'on entend aujourd'hui par rapport au label bio, ce sont des critiques sur ce que le label ne garantit pas. Donc le label bio, il garantit quoi ? Il garantit le respect d'un cahier des charges de production et de transformation, c'est-à-dire hein, les points essentiels les plus connus. Je n'utilise pas de pesticides chimiques de synthèse ni d'engrais de synthèse. Les animaux donc, sont élevés avec un parcours à l'extérieur. Il y a moins de densité d'animaux par surface. On n'utilise pas d'OGM, etc., etc. Donc il y a toute une série de règles de production et de transformation pour que le produit ait le label bio et l'appellation bio qui est contrôlée. Maintenant, dans le label bio, il n'y a pas de limite de taille de ferme, il n'y a pas de notion de local ou pas. Donc un produit bio peut passer une frontière. Il peut venir du Kenya, quoi. Voilà, et c'est comme ça qu'on a des bananes bio, d'ailleurs. On n'aurait pas de bananes bio, sinon. Et des oranges bio en Belgique. Ça, moi, j'y crois pas. Les bananes bio, j'y crois pas. Oui, bah voilà, chacun se fera son opinion. J'aimerais évidemment bien une fois aller au bout pour aller voir. Quoi, parce qu'il faut voyager, il faut voyager, il faut aller voir. Je n'ai jamais été en Afrique. Il y a plein de bestioles en Afrique, il paraît. Les bananes, c'est plus de la nuit des temps. Pour les ramener ici, c'est compliqué. Il faut les... Soit. Ben voilà, moi les bananes, je suis pas spécialisée là-dedans et à vrai dire, j'en consomme pas. De temps en temps, il y en a une dans ma boîte à tartines là, mais voilà, c'est très rare. Je préfère de loin les pommes, les poires, les prunes qui poussent dans mon jardin aussi. On a quand même pas mal de fruits, mais voilà, ne soyons pas extrêmes non plus. Pourquoi pas une banane de temps en temps. Mais toi, tu n'as pas de problème, Sylvia, avec le fait de croire les choses, quoi. Toi, tu vois, c'est un label bio, donc d'office, il n'y a pas de pesticides, d'office, il n'y a pas de problème avec ça pour toi, quoi. Mais les organismes de contrôle, on les connaît, on travaille avec eux depuis des années. Moi, je pense qu'ils sont fiables. Maintenant, quel autre moyen a-t-on, en tant que consommateur, d'aller vérifier ça ? Alors, à Nature et Progrès, on a un label. Ce label, il existait avant le bio officiel européen. D'ailleurs, ce sont les cahiers des charges de Nature et Progrès qui ont donné lieu au label européen, enfin une partie, hein, puisque ce n'est pas tout. À Nature et Progrès, on a un label qui va plus loin que le bio. Pour nous, eh bien, il faut déjà, par exemple, que la ferme elle soit 100% bio. Donc c'est hors de question de dire « mes légumes, ils sont bio, mais mes poulets, là-bas, ils ne sont pas bio ». Non, non, non, non, non. Nous, on veut des choses cohérentes, évidemment, dans nos critères. Voilà, on a des critères au niveau écologique plus poussés. Hein. On encourage les producteurs à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité, à cultiver des variétés anciennes et préserver des variétés, comme je disais, de légumes, etc., ou même de céréales qui soient plus anciennes. Voilà, je vais peut-être pas énumérer tous les points. On a des points au niveau social aussi, de rencontre du consommateur, d'essayer de favoriser l'emploi de personnes qui sont en situation difficile ou de former des personnes, accueillir des stagiaires, etc. Et on a aussi des choses au niveau économique, comme le fait de ne pas se fixer sur un seul débouché, mais essayer d'avoir de la diversité dans la production, mais aussi dans la vente des produits. Donc on a toute une série de valeurs comme ça qui sont des idéaux, mais oui, nous restons avec l'obligation pour nos producteurs d'être certifiés bio, parce qu'à Nature et Progrès, on n'a pas de laboratoire d'analyse de pesticides, et donc on compte sur ces organismes de contrôle pour faire ces contrôles que nous, on n'est pas capable de faire, évidemment. Mais là-dessus, après on boucle l'histoire du label bio, mais j'avais entendu aussi, par exemple, des maraîchers, maraîchères, qui font de la bonne nourriture, mais que le label bio, c'est aussi c'est contraignant ou c'est compliqué de l'avoir, quoi. Et pour ces gens qui font de la très bonne nourriture localement sans pesticides, hein, enfin, et qui font pousser leurs légumes, quoi, en gros, eh ben, c'est compliqué d'avoir le cachet label bio. C'est vrai, c'est pas vrai, ou c'est pas compliqué, c'est compliqué. Disons que c'est un petit peu de paperasse en plus, évidemment, puisqu'on doit se plier à des règles, on a des contrôles, Et je vais prendre un seul exemple, c'est que quand on est voilà, en maraîchage bio, on doit utiliser des graines certifiées bio pour faire pousser les légumes, mais quand elles ne sont pas disponibles, hein, parce que les semenciers, ben, ça se développe, mais voilà, il n'y a pas toujours toutes les variétés que l'on souhaite en bio, on doit demander une dérogation pour utiliser des semences qui ne sont pas bio, mais qui ne sont pas traitées. Ben voilà, ben là il faut demander une dérogation, envoyer un courrier à son organisme de contrôle, etc. Voilà, donc oui, étant donné qu'on doit se plier à des règles, ben, au niveau administratif, c'est plus de contraintes. Au niveau financier, il y a le coût du contrôle, mais là-dessus, il faut aussi prendre en compte qu'on a des aides financières quand on est en bio. Alors en fonction des secteurs d'activité, ces aides couvrent plus ou moins ce contrôle. En maraîchage, les aides sont bien supérieures au contrôle. Donc ça, c'est encourageant, évidemment, pour les maraîchers. Voilà, donc c'est sûr que, ben voilà, qui dit label, dit offrir des garanties aux consommateurs. Mais, ben oui, il faut évidemment se plier aux règles du jeu et avoir voilà, bien tenir ses comptes et ses papiers, etc. Ça peut être rebutant pour certaines personnes. Et tu le comprends, ça ? Oui, oui, bien sûr, je peux le comprendre. Je pense qu'il peut y avoir aussi un lien de confiance qui s'installe. Voilà, moi, je vois très bien dans ma tête, voilà, le maraîcher qui est là, qui travaille sur une parcelle, un demi-hectare, par exemple, qui cultive des légumes. Il va vendre ses légumes le samedi après-midi, le vendredi soir, par exemple, au coin de sa parcelle. Bah oui, je peux comprendre qu'à un moment donné, ils se disent bah, « Regardez, vous voyez, hein, les consommateurs, comment je travaille. Voilà, et y a, peut-être que les consommateurs ne recherchent pas forcément, à ce moment-là, le label et font confiance. Bah, maintenant, oui. Voilà, c'est un peu à chacun à décider. Il faut se dire aussi que, voilà, ici, par exemple, avec le réseau Radis qu'on est en train de mettre en place, on se concentre, c'est une donnée de base, on va se concentrer sur les acteurs certifiés bio. Et là, il y a vraiment une raison qui est importante, c'est qu'on aimerait bien encourager les producteurs à transformer leur production, que ce soit des graines de céréales, que ce soit peut-être même des légumes. Hein. On sait bien qu'il y a trop de tomates en été, les gens partent en vacances, il faudrait bien faire des coulis, etc. Et donc, on aimerait encourager des transformations collectives des producteurs. Et le fait qu'il y ait des producteurs qui ne soient pas labellisés bio, eh bien, ça ferait perdre le label, en fait, à ceux qui sont certifiés bio. Tout simplement parce qu'on ne peut pas, dans un atelier de transformation, mélanger des graines de froment bio et non bio pour faire de la farine. Vous voyez, on ne peut pas... voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, c'est vrai qu'ici, nous, on a pris le pari de travailler avec des producteurs bio qui pourront garder leur label et encourager, hein, s'ils le souhaitent, chacun à sa volonté, évidemment, individuellement, encourager des producteurs à rejoindre le label pour rejoindre ces nouvelles filières que l'on va créer pour nourrir le consommateur local. Ma question suivante, c'était, depuis 40 ans, évidemment, toi, tu es là depuis 6-7 ans, si j'ai bien compris, à Nature et Progrès. J'imagine, depuis 40 ans, il y a eu des projets comme ça qui se sont quand même développés, parce que là, ça fait comme si... qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce projet Radis naît, en fait, a envie de naître On dirait que c'est la première fois. Alors, la première fois... Mais oui, à Nature et Progrès, c'est la première fois qu'on concrétise. Alors, ce réseau Radis, c'est l'aboutissement d'un autre projet qui s'appelle « Échangeons sur notre agriculture ». C'est le projet pour lequel j'ai été engagée à Nature et Progrès et on m'a donné pour mission d'animer des débats citoyens sur l'agriculture avec des producteurs et des consommateurs. Et donc, rassembler dans toute la Wallonie des producteurs et des consommateurs, et c'était ouvert à tous, pour discuter de l'accès à la terre, par exemple, pour discuter de la crise du secteur laitier. Et en 2016, il y avait justement une nouvelle crise qui commençait. Donc on a pu rencontrer les éleveurs, on a pu comprendre ce qui se passait, on a pu rassembler ensemble des solutions. Ça, c'était le projet « Échangeons sur notre agriculture ». On a fait le tour comme ça de 6, 7, 8 thématiques différentes. Problématiques agricoles, rassembler les solutions émises par les producteurs et les consommateurs partout en Wallonie. Ça a donné la naissance à de magnifiques brochures qui reprenaient toutes ces conclusions et qu'on diffusait très très largement vers les politiques, vers le milieu agricole, vers le grand public, vers des structures qui sont actives au niveau territorial pour les encourager, dire tiens, ben regardez un petit peu, ça peut être inspirant pour vos territoires. C'est resté dans les armoires. Pas vraiment, parce qu'on est vraiment très très contents. Ce projet a permis à des personnes de concrétiser des choses. Et justement, dans ma région, à Vielsalm, il y a un éleveur laitier qui est venu me trouver et qui m'a dit « Moi, si c'est comme ça, on sort de notre coopérative avec plusieurs copains dans notre région et on reprend la main sur la valorisation de notre lait. » On a eu vraiment... Génial comme... Moi, j'aurais bien aimé enregistrer toute cette idée. Ça veut dire que des gens conscientisent qu'il y a moyen de faire autrement. Mais oui, parce que je pense que chacun dans son coin, on y pense à ses solutions. Mais le fait d'être ensemble avec des confrères, des consœurs et avec des citoyens, des voisins qui sont là... Et qu'on échange tous et qu'on se dise « mais enfin, pourquoi pas ?» Ben voilà, ça finit par pousser des acteurs à passer à l'action. Parce qu'ils se sentent soutenus, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce que quand on est tout seul dans sa routine, ben oui, on y pense un soir, et puis après, ben on retourne dans sa routine et on oublie. Et donc, c'est ça qui est magnifique, c'est que oui, il y a des choses qui se sont produites grâce à ce projet. Alors, on a été, tout début de cette année, on a rencontré la Fondation Syris, qui est venu vers nous en disant « Mais tiens, nous aussi, on aimerait bien développer un projet alimentaire sur notre territoire, Dinan et environ. » Donc, il y a 6 communes dans la zone d'action de la fondation de l'abbaye de Leff. C'est quoi la fondation Syris? Ça veut dire quoi, Syris? Ça s'écrit comment, Syris? Alors, je sais vous l'appeler. C'est Syris. Alors, ça veut dire quoi? Vous m'en demandez beaucoup, mais je sais très bien vous dire les objectifs de la fondation. Donc, cette fondation, elle a été créée il y a 3 ans, dans le but, et ça a été le but historique des abbayes, c'est d'aider le développement du territoire autour de l'abbaye. Et plus particulièrement pour la Fondation Syris, c'est de venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin, qui ont une situation difficile au niveau social ou au niveau économique. Voilà. La Fondation Syris, elle est active dans tout un tas de domaines différents. Ça va de la mobilité au logement, à l'enseignement et l'alimentation ici, grâce aussi à la collaboration que l'on a ensemble. Et donc, ils ont des sous grâce à la bière de Leff, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ils ont... La bière de la Leff aujourd'hui n'est plus brassée par l'abbaye, mais elle a été reprise par le groupe AB InBev. Et grâce à l'utilisation du nom Leff, de la bière de Leff, l'abbaye de Leff dispose de royalties qu'elle met à disposition de projets qui permettent d'améliorer la situation de chacun sur le territoire. C'est pas encore, elle est cotée en bourse peut-être. Non, c'est tout à fait sain et c'est heureux, je trouve, comme mode de financement, finalement. C'est de remettre cet argent dans des actions qu'ils veulent d'intérêt collectif. D'ailleurs, c'est une fondation reconnue d'utilité publique. Et en fait, la fondation, elle est venue vers nous parce que, ils ont eu quelques demandes de certains acteurs privés du territoire, un producteur, une commerçante, etc., qui voulaient avoir un financement pour développer quelque chose. Et la fondation, elle avait envie, plutôt que de financer l'un ou l'autre dans son coin, elle avait envie plutôt de mettre en place quelque chose de plus collectif. Et ils connaissaient ici les actions grâce à Échangeons sur notre agriculture et ils se sont dit, est-ce que vous ne voudriez pas nous aider à Nature et Progrès, on parle. C'est Nature et Progrès, voilà. Est-ce que Nature et Progrès ne peut pas aider la fondation ici à développer une filière alimentaire bio, ben oui, parce que hein, on est quand même pour une transition écologique. Et le bio, c'est vraiment et plus que bio encore. Hein, mais le bio, c'est déjà un grand pas vers la transition écologique, mais aussi solidaire. Solidaire parce que l'on veut que cette alimentation soit accessible pour tous. Et là, parce qu'on n'a pas le temps de discuter 4 heures, mais comment faire ? Parce que souvent, ça ne va pas ensemble. Le bio, on a l'impression que c'est réservé à des gens bien nés comme ça. Je parle jamais comme ça, je dis jamais. Mais voilà, ça m'est venu. Des gens bien nés. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis bien nés ? C'est peut-être parce que j'ai un masque sur le nez. Et que ça peut pas être compatible justement avec des gens voilà qui ont moins de sous, qui galèrent, c'est pas facile. Comment est-ce que tu as déjà pensé aux moyens qui vont être mis en place ou bien non, c'est pas comme ça que ça va se passer, on va discuter ensemble, mais justement autour de la table, tu auras pas forcément ceux qui sont en visioconférence, tu auras pas forcément à la table ceux tu vois comment vous allez vous faire pour développer ça. Alors, oui, c'est une question difficile. Et c'est une question qui fait peur aux producteurs. Moi, je l'ai remarqué, j'ai déjà rassemblé une ou deux fois les producteurs parce que, voilà, ils veulent développer une filière céréale panifiable. Et je dis, OK, on va faire ça ensemble, on va trouver un moulin, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est vrai que quand je leur parlais de, tiens, les gars, hein, solidaires, personne en difficulté, je sentais un petit froid. Parce que le producteur, il assimile ça à « ouïouïouï, elle va me demander de vendre mes produits pour rien parce que les gens n'ont pas de sous et moi, je m'en sors déjà pas comme ça. » Voilà, il faut éviter de tomber dans ce piège-là, évidemment, c'est reporter le problème. Les producteurs ont beaucoup de mal déjà aujourd'hui, on le sait. Ah, il y en a beaucoup qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et donc, c'est pas sur le producteur que ça va retomber. Alors, il y a déjà quelques idées. Donc moi, je me suis un peu documentée. Tiens, qu'est-ce qu'ils font ailleurs ? On n'est pas les premiers à se poser ces questions-là. J'ai déjà énuméré une série de pistes. Mais voilà, on va les mettre en commun lors du premier groupe. Hein, on va initier des groupes de discussion ici à partir de janvier, dont un groupe spécialement sur ce volet solidaire. Et on va rassembler toutes les idées. Et puis, eh bien, on va les éprouver, voir qu'est-ce qui est possible sur nos territoires, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, une des conditions de réussite de ce volet, c'est de travailler avec tout le monde. Et donc, on a contacté les CPAS, ils sont au premier front, eux aussi, pour l'aide alimentaire. Voilà, on va essayer de travailler aussi avec tout un tissu associatif qui travaille aussi avec ces personnes qui sont en contact journalier avec eux. Hein, ici, c'est chouette, à la présentation, on a deux employés d'une de ces ASBL qui étaient présentes et qui posaient des questions. Tiens, faites attention à la mobilité, parce que les personnes ne savent pas facilement se déplacer, etc. Et je pense qu'en mettant tout ça ensemble, on va pouvoir trouver des solutions. Alors, petit apéritif quand même, je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Des solutions que l'on peut mettre en avant. Moi, il y a une solution qui me plaît très bien, c'est l'autocueillette chez les maraîchers. Les maraîchers, sur petite surface comme ça, ils ont énormément de boulot. Il faut semer, il faut planter, il faut désherber. Et puis, il faut récolter, et puis il faut encore vendre sa production. On peut... Tout à fait, il y en a qui le font, mais j'entends aussi qu'il y a des craintes, il y en a qui disent « oui, mais attends, mais ça peut pas marcher », voilà, il y a des échanges d'expériences à faire là-dessus. Mais il y a des producteurs, des maraîchers aujourd'hui qui proposent des légumes en auto-cueillette. Les gens viennent avec leur petit panier, ils viennent cueillir leurs légumes, on pèse, ils paient, et ils paient évidemment à un prix inférieur à celui qu'ils auraient si le maraîcher avait dû lui-même procéder aux récoltes. Donc d'une certaine manière, c'est un peu un échange travail-argent, hein, si on veut. Voilà, ça allège le travail du maraîcher et donc il peut le répercuter sur le prix. Et ça a un côté sympa aussi d'aller récolter ses fruits. Il y en a qui font ça avec des fruits, des pommes, des poires. ou ses légumes. On peut y aller avec les enfants. Enfin, voilà, c'est un moment aussi qui est chouette. On est là, il y a d'autres personnes, on se rencontre. Enfin, il y a aussi la question de la rencontre, de se rendre compte que récolter les haricots, il faut se baisser, on a parfois un peu mal au dos. C'est aussi prendre conscience du quotidien de ce maraîcher qui est là tous les jours, derrière sa petite échoppe. Et donc ça, c'est une solution que je trouve très intéressante. On pourrait aussi réfléchir à un même système d'échange argent-travail, entre guillemets, mais voir aussi voilà, quelles sont les possibilités légales, hein, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans du travail au noir non plus. Mais voilà, tiens, est-ce que si quelqu'un vient aider un meunier à mettre la farine dans les sachets, hein, c'est aussi un travail manuel qui peut être éreintant pour le meunier, un petit coup de main. Est-ce qu'il peut avoir son paquet de farine un peu moins cher? Voilà, il faut voir ce qui est possible légalement. Ça, c'est une solution. Alors, il y a les groupes d'achat commun. Les groupes d'achat commun, les GAC, c'est devenu un petit peu bobo. Hein, il y a eu tout un élan. On va faire un groupe d'achat commun. Mais en fait, au départ, ces groupements d'achat commun, donc ces citoyens qui se mettent ensemble pour acheter collectivement un certain volume de denrées alimentaires pour avoir un prix, en fait, au départ... Oui, au départ de la ferme, hein. Des produits, voilà. On reste toujours dans cette idée. Oui, oui, oui, il n'y a pas aux grandes surfaces. Donc, directement chez un producteur. Au départ, c'était une manière d'économiser, en fait, les familles qui faisaient ça. Et disaient, bah, tiens, c'est comme les colis de viande, en fait. Hein, généralement, bah, on vend un mouton entier. Ouh là là, un mouton entier pour mon congèle, c'est un peu trop, on ne va pas manger tout ça. Et bah, on se met à plusieurs et on achète un mouton entier. Mais ça permet d'avoir un prix réduit du fait que voilà, c'est un mouton tout entier. Donc il y a des possibilités là aussi. Il faudrait creuser, voir un petit peu comment fonctionnent les groupements d'achat commun, ce qui ont un volet solidaire. D'autres, certains en ont encore, d'autres n'en ont pas du tout. Voir un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'on peut améliorer ou créer des nouveaux groupes, groupements d'achat commun. Parce qu'évidemment, il y en a déjà sur le territoire. On va d'abord voir, ben tiens, comment ça se passe aujourd'hui sur les groupements du territoire. Est-ce qu'il y a des personnes en situation difficile dans ces groupements ou pas du tout? Et est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Ben, j'espère que ça va vraiment aller juste au bout de ça, parce que souvent, on entend la phrase, et moi, je suis assez d'accord, hein, le bio, c'est pour les bobos, et puis la bouffe de merde, c'est pour le reste des gens, quoi. Tu vois, c'est pas très juste. Oui, mais il y a une envie de faire autrement, mais après, moi, je suis pas vraiment au courant de ce qu'il existe. Est-ce qu'il existe des projets où les gens qui ont pas beaucoup de revenus mangent correctement, mangent de la bonne nourriture? Parce qu'on va dire, de toute façon, eux, ils s'intéressent pas à ça. Mais ça fait partie des solutions que j'ai pas encore données. Mais la meilleure nourriture que l'on peut manger, c'est celle qu'on produit soi-même. Et donc, pour moi, il y a vraiment, vraiment, vraiment des choses à faire au niveau du jardinage, jardin partagé et des vergers collectifs. On a des terres communales qui sont là. Il suffit de planter quelques arbres. Bon, bah, un arbre fruitier, c'est pas très cher. Il faut un petit peu le temps que ça produise. Mais après, on a des quantités de pommes, de poires, de prunes. Il y a vraiment des choses à faire en collectif. Et le jardinage, au niveau social, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand vous avez... On a un jardin ici, à Nature et Progrès. Et on accueille des personnes qui ont envie d'apprendre à jardiner. C'est tous les mardis, bon, avec le coronavirus, c'est un petit peu compliqué pour le moment, mais tous les mardis, on a des jardiniers bénévoles qui sont là et on accueille des personnes qui ont envie d'apprendre à jardiner. Et on a souvent des personnes qui ne vont pas très bien, qui ont vécu des moments difficiles dans la vie. Et le jardinage, ça leur redonne confiance en elles parce que voilà, elles vont semer des petites graines dans le sol. La fois prochaine, elles vont arriver, on va voir que ça a germé. Et puis, au terme, elles vont arriver à un légume qu'elles vont pouvoir récolter, cuisiner à la maison. C'est une fierté d'avoir réussi à faire ça. C'est chouette d'être encadré par des personnes qui partagent leur passion. On se sent à nouveau inclus dans la société. On se sent soutenu, on se sent mieux. Et moi, je suis vraiment convaincue par l'intérêt du jardinage, de l'autoproduction alimentaire pour les personnes qui vivent des difficultés financières ou sociales. Et voilà, c'est vraiment Pour moi, c'est l'avenir. Alors oui, c'est pas certifié bio, mais c'est leur jardin. Moi, mon jardin, il est pas certifié bio, mais je sais à 100% ce qu'il y a dedans et comment c'est cultivé. Donc c'est, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais donc, dans le projet Radis, il y a aussi cette idée de développer des jardins. Il y a une phrase comme ça, d'ailleurs, je pense que ça vient du monde chrétien, c'est avec la pêche. Tu manges un poisson, voilà. C'est quoi encore la phrase? Bah, plutôt que de donner du poisson, bah, apprendre à pêcher. Comme ça, tu pourras manger toute ta vie. Exactement. Mais c'est ça un peu l'idée aussi de dire, avec ces jardins partagés, aux gens où c'est difficile pour eux de prendre ces espaces et de transformer la terre, d'apprendre aussi, parce qu'il faut quand même un petit peu apprendre. Bon, c'est pas chinois non plus. Mm-hmm. Et du coup, on socialise avec les autres. Mais c'est fou parce que ces projets-là, oui, ça, on en entend parler, oui, il y en a, oui, c'est clair que ça se passe, hein, on sait tout ça, que c'est bénéfique et blablabli, blablabla. Mais je me demande, avec cette grosse machine qui broie tout aussi, quelle est, ça va être quoi, quand je parle de la grosse machine qui broie tout, tu sais, hein, c'est les petits on les casse comme ça, les multinationales prennent le dessus, c'est un peu comme avec la crise Covid. Mais j'aime bien parce que dès qu'on parle de choses là tu mais attends. Bah, c'est comme la crise Covid, là. Bah, elle nous permet de voir, tu vois, on ne peut plus sortir de chez soi, donc les gens continuent à consommer. Il y a Amazon qui cartonne et qui continue à cartonner, tu vois. Mais il y a des choses intéressantes, hein. J'entendais les infos ce matin. Ouh là là, il y a une souche plus contagieuse du Covid. J'ai entendu aussi. En Grande-Bretagne. Mais c'est la panique, ouais. Parce que les transports vont être chamboulés et que la Grande-Bretagne, elle est loin d'être autonome au niveau alimentaire. Mmh. Et on se retrouve avec la même panique que nous, on a connue au premier confinement. Mmh. On était là, ouh, les camions, comment ça se fait que... Est-ce que les magasins ne vont pas être en rupture de stock? D'ailleurs, ils l'ont été, hein, pour des produits de base, à farine, etc. Même, hein, les gens, on recommence à faire du pain. Donc non, moi je trouve que justement, tous les signaux vont vers ce besoin de se réapproprier l'alimentation au niveau individuel et au niveau collectif, au niveau de territoire. Que la Wallonie puisse nourrir la Wallonie, que mon jardin puisse me nourrir. Et c'est marrant, hein, parce que lorsqu'on a commencé à créer ce projet avec la Fondation Syris, on a fait une première réunion juste avant le confinement, et puis on a continué pendant le confinement, par visioconférence, et on était en plein dans le sujet de est-ce qu'on va encore pouvoir arriver à manger avec les frontières fermées, avec les grandes surfaces que les gens désertaient, ils allaient vers les petits producteurs, etc. C'était hyper stimulant parce qu'on était là avec une idée qui répondait à des problématiques et ces problématiques se concrétisaient de plus en plus. Et on est vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui. Oui, mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'une fois que le déconfinement s'est mis en place... les gens se sont redirigés vers la bouffe industrielle, quoi, tu vois. Une partie seulement. Non, il paraît que c'est énorme quand même. Les gens ont vu vraiment leur mmh. Allez, par exemple, c'était x3. Moi, j'avais vu artisan-paysan, quoi. Mmh. Bon, en plus, c'est pas toujours bio, mais c'est... Bon, c'est les gens artisan-paysan qui font dans la région. Eux, c'était... x4, quoi, enfin un truc de dingue, quoi. Et donc, après, il y a quand même eu, une fois que le déconfinement s'est mis en place, ben, il y a eu une chute aussi, quoi. On a vu là, ben, les gens qui reprenaient. C'est quand même fou, ça, quoi. Ça te parle comment, ça, toi? Une partie, effectivement, des personnes qui ont changé leurs habitudes ont fait marche arrière. C'est pas facile, évidemment, de changer ses habitudes. Bah, à ton avis, pourquoi ils font marche arrière? Parce qu'on ne parle pas forcément de... Mais pourquoi ils ont fait marche arrière, ces gens? On va les rencontrer. Pourquoi vous avez fait marche arrière? Tu sais, toi, pourquoi ils ont fait marche arrière? Parce que ça coûte moins cher? Parce que c'est plus facile d'aller dans une grande surface faire toutes ses courses? Non, c'est par facilité. Oui, effectivement, les grandes surfaces proposent tout à un endroit. Il y a le parking, il y a presque la petite plaine de jeux pour laisser l'enfant pendant que... Enfin, tout est pensé. Hein. Je veux dire, comme McDo, hein, tout est pensé. Hein. Il y a les jeux pour les enfants, on peut manger à l'aise. C'est dingue. Mais Mais on ne se retrouve pas avec moins de personnes non plus. C'est-à-dire qu'on a quand même convaincu des personnes à rester chez ces producteurs. Elles ont été poussées à les découvrir. Ça leur a plu, elles sont restées. Et ça, il faut le voir comme une victoire aussi. Certaines sont restées. C'est ce que tu dis. Il faut voir. Moi, je vois le côté rempli du verre. Parce que voilà, il faut voir les progrès, même si on espérait plus. Oui, on espérait tous, effectivement, que tout le monde change ses habitudes. Oui. Maintenant, on manquait un petit peu de producteurs locaux aussi. Hein. Mmh. Il y en a beaucoup qui étaient en rupture de stock, qui ne s'en sortaient plus, qui dormaient 3-4 heures par nuit parce qu'ils essayaient de relever le défi de nourrir tous ces nouveaux clients qui arrivaient. Hein. Donc, ce n'était pas évident non plus. Mais je pense, non, globalement, je pense qu'on est dans des choses positives et que, mine de rien, ce coronavirus, il fait réfléchir les gens. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Allez, une dernière, après on arrête, c'est fini. Mais quand il y a eu des confinements aussi, le McDo qui pouvait réouvrir, tu sais, puis il y a eu les bricots, puis ça t'a fait quoi quand t'as appris la nouvelle? Bon, ni chaud ni froid, moi les McDo. Oui, mais ça voulait dire quelque chose de notre société aussi, tu vois, évidemment... Ça voulait dire quelque chose, quoi. Moi, enfin, c'était dingue quand même. Les producteurs n'ont jamais fermé, hein. Le McDo a fermé, mais les producteurs n'ont jamais fermé, donc non, ça doit pas se comparer. Le McDo. Je comprends pas quand tu dis ça. Les producteurs, de quel producteur tu parles? Mais les producteurs en circuit court, ils ont toujours pu continuer, hein, heureusement, à vendre leurs produits. Okay. Non, moi, voilà. Je suis quelqu'un de positive. J'ai pas envie de regarder ce qui se passe pour McDo. J'ai pas envie. Oui, il y a eu des files interminables. J'ai vu des images, des photos de ça, les files interminables, des gens devant le McDo dès que c'est rouvert. Ni Amazon et tout ça, ni ces multinationales qui créent. Non, bah non. Il faut sensibiliser, continuer à encourager les consommateurs à aller vers les artisans locaux, à aller vers les producteurs locaux, à aller vers les restaurants plutôt que McDo, soutenir les restaurants. C'est vrai que c'est angoissant de voir tous ces commerces, tous ces artisans impactés, tous ces restaurants qui sont fermés, qui proposent bien, tant bien que mal, un peu de service traiteur, mais je ne sais pas trop leur situation, mais je pense que ça doit rester très, très difficile pour eux. C'est vrai que c'est angoissant. On se demande qui restera à la fin de ce confinement, à la fin de toutes ces mesures. Mais voilà, on est face à des situations tout à fait inédites. Je pense que le plus important, vraiment le plus important, c'est d'en tirer les bonnes leçons. Voilà, personne n'aurait pu prévoir ce coronavirus il y a... un an d'ici, on commençait tout juste à en parler, qu'il y avait quelque chose là-bas en Chine, au loin. Mais je crois que maintenant, voilà, il faut réfléchir à l'autonomie alimentaire de nos territoires. Et le projet RADI et d'autres projets sont en train de naître aussi. Il y a eu un appel à projet là, de la ministre Tellier qui finance toute une série de projets de relocalisation alimentaire. Et bien, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est vers ça qu'il faut aller. Parce que, ben oui, peut-être qu'à un moment donné, la petite souche très virulente du coronavirus arrivera à Bruxelles et qu'on décidera de fermer les frontières de la Belgique et que là, eh ben, il faudra avoir quelque chose à mettre dans son assiette. Et c'est beaucoup plus sain, finalement, au niveau écologique, au niveau social, au niveau économique, c'est beaucoup plus sain, de toute façon, de relocaliser notre alimentation. Tout ce qu'on peut faire en Wallonie, faisons-le en Wallonie. Et n'importons, bah oui, importons toujours des oranges, des bananes, il en faut un peu pour tout le monde, il ne faut pas forcément être extrémiste par rapport à ça, mais n'importons pas de viande de mouton de Nouvelle-Zélande, n'importons pas de pommes d'Afrique du Sud, n'importons pas tous ces produits que l'on peut faire chez nous. Ouais, là, on n'a plus le temps, c'est dommage. J'aurais bien aimé parler, moi, de cette production, justement, en Wallonie, mais bon, on n'a vraiment plus le temps. Et de toute façon, il faut suivre ce projet RADI, hein. Il va se mettre en place. Maintenant, avec l'Internet, c'est facile à trouver. Et on verra la suite, quoi. Ça va démarrer en janvier 2021, si j'ai bien compris. Ah oui, maintenant. Hein. Ouais, voilà. Demain. Donc, les informations sur le site Internet www.reseau-radi.be. Merci beaucoup, Sylvie.